Cornélie. César, tiens-moi parole, et me rends mes galères. Achillas et Fautin ont reçu leur salaire. Le roi n'a pu jouir de ton cœur adouci, et Pompée est vengé, ce qu'il peut l'être ici. Je n'y serai plus voir qu'un funeste rivage qui, dès leur attentat, m'offre l'horrible image. Ta nouvelle victoire et le bruit éclatant qu'au changement de roi pousse un peuple inconstant. Et parmi ces objets, ce qui le plus m'afflige, c'est d'y revoir toujours l'ennemi qui m'oblige. Laisse-moi m'affranchir de cette indignité, et souffre que ma haine agisse en liberté. À cet empressement, j'ajoute une requête. Vois l'urne de Pompée, il y manque sa tête. Ne me la retiens plus, c'est l'unique faveur dont je te puis encore prier avec honneur. Il est juste, et César est tout près de vous rendre, ce reste vous avez tant de droits de prétendre. Mais il est juste aussi qu'après tant de sanglots, à ces mânes errants, nous rendions le repos. Qu'un bûcher, allumé par ma main et la vôtre, le venge pleinement de la honte de l'autre. Que son ombre s'apaise en voyant notre ennui, et qu'une urne plus digne, et de vous et de lui, après la flamme éteinte et les pompes finies, renferme avec éclat ses cendres réunies. De cette même main dont il fut combattu, il verra des autels dressés à sa vertu. Il recevra des vœux de l'encens des victimes, sans recevoir par là d'honneur que légitime. Pour ses justes devoirs, je ne veux que demain. Ne me refusez pas ce bonheur souverain. Faites un peu de force à votre impatience. Vous êtes libre après. Partez en confiance. Portez à notre Rome un si digne trésor. Portez. Non pas, César. Non, pas à Rome encore. Il faut que ta défaite et que tes funérailles à cette cendre aimée en ouvrent les murailles. Et quoiqu'elle la tienne aussi chère que moi, elle n'y doit entrer qu'en triomphant de toi. Je la porte en Afrique, et c'est là que j'espère que les fils de Pompée et Caton et mon père, secondés par l'effort d'un roi plus généreux, ainsi que la justice, auront le sort pour eux. C'est là que tu verras, sur la terre et sur l'onde, les débris de Pharsale armer un autre monde. Et c'est là que j'irai, pour hâter tes malheurs, porter de rang en rang ses cendres et mes pleurs. Je veux que de ma haine, ils reçoivent des règles, qu'ils suivent au combat, des urnes au lieu d'aigles, et que ce triste objet porte en leur souvenir les soins de le venger et ceux de te punir. Tu veux à ce héros rendre un devoir suprême. L'honneur que tu lui rends rejaillit sur toi-même. Tu m'en veux pour témoin. J'obéis au vainqueur, mais ne présume pas toucher par là mon cœur. La perte que j'ai faite est trop irréparable. La source de ma haine est trop inépuisable. À l'égal de mes jours, je la ferai durer. Je veux vivre avec elle. Avec elle, expirer. Je t'avouerai pourtant, comme vraiment romaine, que pour toi, mon estime est égale à ma haine, que l'une et l'autre est juste et montre le pouvoir, l'une de ta vertu, l'autre de mon devoir, que l'une est généreuse et l'autre intéressée, et que dans mon esprit, l'une et l'autre est forcée. Tu vois que ta vertu, qu'en vain on veut trahir, me force de priser ce que je dois haïr. Juge ainsi de la haine où mon devoir me lie. La veuve de Pompée y force Cornélie. J'irai, n'en doute point, au sortir de ces lieux, soulever contre toi les hommes et les dieux. Ces dieux qui t'ont flatté, ces dieux qui m'ont trompé, ces dieux qui dans Pharsale ont mal servi Pompée, qui la foudre à la main, l'ont pu voir égorgé. Ils connaîtront leur faute et le voudront venger. Mon zèle, à leur refus, aidé de sa mémoire, te sera bien sans eux arracher la victoire. Et quand tout mon effort se trouvera rompu, Cléopâtre fera ce que je n'aurais pu. Je sais quelle est ta flamme et quelles sont ses forces, que tu n'ignores pas comment on fait les divorces, que ton amour t'aveugle et que pour l'épouser, Rome n'a point de loi que tu n'oses briser. Mais sache aussi qu'alors la jeunesse romaine se croira tout permis sur l'époux d'une reine, et que de cet hymen, tes amis indignés vengeront sur ton sang leurs avides dédaignés. J'empêche ta ruine en péchant tes caresses. Adieu, j'attends demain l'effet de tes promesses.